bienvenue sur la radio Fagette pour l'émission Portrait d'artiste qui remplace désormais l'émission Toiles urbaines. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Grégory Dupont, monsieur Greg, qui est un artiste sculpteur. Bonjour Greg. Bonjour Romain. Comment ça va Greg ce matin ? Nickel chrome, comme j'ai l'habitude de dire. Comme tu as l'habitude de dire, super. Merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Donc Greg, tu es un sculpteur et on a pu dernièrement voir, et ça fait l'objet d'un bel article aussi dans la presse locale, l'Est Républicain pour ne pas les citer, où tu présentais une sculpture au public de Jarville. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette sculpture ? Alors, cette sculpture, c'est l'aboutissement d'un travail de 2 ans, je vais dire, que j'ai fait en collaboration avec la ville et aussi avec les habitants de la ville, puisque dessus sont inscrits des mots qui ont été choisis par le public. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle représente précisément, cette sculpture ? Précisément, c'est un peu difficile d'être précis à ce niveau-là, c'est-à-dire que on peut dire que ça représente un couple, mm-hmm. En tout cas à première vue, on y voit un couple très épuré, très symbolisé aussi. Parce que ça, les couples épurés, c'est un peu ta thématique de fond, ce que tu fais déjà depuis une quinzaine d'années, donc un peu sur tous les différents formats, tu as une représentation assez symbolique d'une image de couple. Alors, c'est vrai que je travaille sur la notion de couple, de relation, on va dire de manière plus générale depuis le début, même si j'ai fait des choses dans l'animalier aussi ou sur d'autres sujets. Je faisais des choses très, très réalistes au début et je gardais toujours cette petite part de travail en parallèle qui, moi, me faisait plaisir à travailler sur une thématique qui n'était pas forcément ce qu'on me demandait. Enfin, voilà, au début, j'avais plutôt tendance à faire un travail d'artisanat. On me demandait des choses, je les réalisais de manière très réaliste. Et puis, je gardais la partie artistique en à côté. Et petit à petit, j'ai développé comme ça une démarche artistique. C'est ta création, c'est une idée, c'est représentation symbolique de personnages. Voilà. C'est une invention de ta part, en fait. C'est tout quelque à fait. Chose, c'est plus quelque chose où tu as répondu sur une demande d'un projet de création. Là, tu as inventé une espèce de forme de personnage. C'est ça. Voilà, qui a de surcroît des particularités. Tu m'en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les... Oui, alors... C'est vrai que j'ai fait un petit peu d'histoire de l'art, je me suis beaucoup renseigné sur l'architecture aussi, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre particulier qu'on retrouvait dans la nature partout, et que l'homme a essayé tant bien que mal à décrire et à utiliser pour avoir une certaine harmonie, une stabilité dans le temps aussi des constructions. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Le nombre d'or. Le nombre d'or. Qu'est-ce que c'est que ce nombre d'or ? Alors, le nombre d'or, c'est un nombre irrationnel. On pourrait l'écrire comme étant le rapport de 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, c'est un nombre avec une infinité de décimales, donc. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais on comprend le principe. C'est un peu comme le nombre pi, on va dire, voilà, quoi. Le rapport du diamètre, enfin de la circonférence au diamètre d'un cercle, le nombre là, en fait, c'est pas la moitié, c'est pas un tiers, c'est un nombre harmonieux, on va dire, qui inconsciemment, comme on le retrouve partout dans la nature, dès qu'on le retrouve dans une construction artificielle humaine, elle a inconsciemment, en tout cas, une forme d'harmonie. C'est vrai que si on fait des recherches sur des moteurs de recherche sur Internet au niveau du nombre d'or, on va se rendre compte que c'est une espèce de forme géométrique très concentrique et harmonieuse qui se retrouve en réalité partout. Alors oui, souvent on va penser à une forme d'hélice comme ça, d'un coquillage. Ça, c'est une des interprétations géométriques, D'accord, va dire. C'est une des interprétations. Voilà, ça permet de visualiser directement de quoi il en retourne, mais on peut très bien l'avoir simplement sur la forme d'un rectangle, avec le rapport de la longueur sur la largeur, qui est ni trop allongé, ni trop ratatiné, on va dire. D'accord, en fait, c'est une règle qui est contenue dans une équation bien précise qui permet de déterminer ce nombre. Oui, bah alors l'équation, elle est toute simple, hein, c'est-à-dire que ce nombre, si on le met au carré, donc par exemple pour la surface d'un carré, si on la met au carré, eh ben on retrouvera ce même nombre plus 1. Donc mathématiquement parlant, c'est très pratique pour tous les calculs, parce qu'on n'a pas besoin de faire de calcul justement. Il y a juste à ajouter 1 au nombre en question et on a ce nombre au carré. Alors c'est assez amusant de t'entendre, Greg, en tant qu'artiste, finalement, parler de mathématiques. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur ton parcours avant d'être sculpteur? Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, c'est vrai que j'ai la particularité en tant qu'artiste d'avoir eu un parcours un peu atypique dans le sens où j'étais avant ingénieur en matériaux. Ingénieur en matériaux, donc ça peut sembler loin un peu de la pratique de la sculpture, a priori, mais... Tout à fait, c'est assez éloigné. Bon, après moi j'ai appris théoriquement l'élaboration, les propriétés des matériaux de manière générale, mais à l'échelle atomique, même subatomique. Et pas finalement pas trop la pratique de ces matières, hein. Les propriétés bien évidemment, des matériaux composites, métalliques, céramiques, mais de les mettre en pratique dans des ateliers pour en apprendre l'élaboration, la fabrication et l'usage de manière générale, ça a été complètement différent puisque voilà, j'avais une version théorique des choses et j'ai pu les mettre en pratique Donc là, par la justement, suite. donc à travers tes créations, en fait, tu vas travailler les matériaux. Est-ce qu'il y a des matériaux plus que d'autres que tu utilises dans tes créations? C'est pour l'instant plus des périodes, on va dire, des périodes où j'ai plus travaillé le cristal, d'autres plus le bronze, l'acier, le bois. Donc, par exemple, le bois, je l'avais mis de côté au tout début, même avant que je fasse des études d'ingénieur. Hein, je m'étais dit, oh, le bois, c'est quand même pas pratique, il y a des nœuds dedans. À chaque fois que je veux faire des détails, je me retrouve avec des nœuds placés au milieu du front, c'était pas terrible. Donc j'avais mis le bois de côté et puis là ça fait quelques années que je retravaille le bois, mais disons que maintenant je fais des alliances ou des. Je les mets en. Voilà, je fais des assemblages où ça m'arrive d'assembler du cristal et du bronze, du bois et de l'acier, de la pierre. Il n'y a pas un matériau que je préfère, c'est en fonction de ce que je veux évoquer derrière que je choisis telle ou telle matière. D'accord. Et alors justement, ce que tu veux évoquer, ton idée générale en général, qu'est-ce que tu veux faire ressentir à tes spectateurs? Ah bah ça c'est ça à chacun en fonction de sa sensibilité de sentir ou pas telle ou telle chose. Moi je dis pas ce qu'il faut ressentir. En tout cas j'essaye de transmettre des émotions qui passent des fois par le choix de ces matériaux. Les émotions ça passe aussi par la forme. Tout le challenge pour moi dans mes réalisations ça a été de réaliser des sculptures qui avait un effet esthétique, quelle que soit la dimension de la sculpture. Parce que je me suis rendu compte à un moment que je faisais des petites sculptures qui étaient mignonnes, par exemple, que j'arrivais bien à vendre, parce qu'elles étaient petites. Et dès que je les faisais à peine 20-30% plus grandes, j'arrivais plus du tout à les vendre, quel que soit le prix. Et inversement, des sculptures qui étaient grandes, j'ai essayé de les faire plus petites, ça ne marchait pas. Donc mon challenge personnel, en quelque sorte, était de réaliser des formes, trouver des formes. Dont l'effet esthétique ne dépendait pas de l'échelle. Je pouvais les agrandir, les diminuer à loisir et ça ne gênait pas la vision, enfin l'esthétique de la sculpture. L'esthétique de la sculpture. Et du coup, en fonction des matériaux, bah forcément, si je mets par exemple du cristal en association avec du bronze, bah le cristal. On verra tout de suite une forme de fragilité. En tout cas, ça évoquera inconsciemment aussi la fragilité du cristal, en plus d'y voir la transparence et qui permet de, pour certains en tout cas, de comprendre qu'on peut voir une partie de la sculpture au travers de l'autre partie. Donc, c'est aussi des messages qu'on peut retranscrire, enfin, faire le parallèle en tout cas avec l'humain, dans le sens où on peut comprendre une personne au travers d'une autre personne, en l'occurrence soi-même. Je me suis rendu compte que j'arrivais mieux à me comprendre, à me connaître au travers de ma compagne. Voilà. Moi tout seul, j'aurais eu tendance à me mettre un peu sur un piédestal et à m'idéaliser, à me voir tel que je ne suis pas, à nier mes défauts, par exemple. Et le fait de me voir au travers du regard de ma compagne, bah ça m'a permis de mieux me comprendre et mieux travailler sur moi et sur l'humain de manière générale. D'accord, donc aussi à l'aide des créations que tu as réalisées. Alors on va réaliser tout de suite une première pause musicale. On va écouter un morceau qui aurait été choisi par Greg, donc qu'on va retrouver tout de suite après, où Greg va continuer, donc Monsieur Grégory Dupont va continuer à nous parler de son art, de ses créations, mais aussi de là où on pourra voir ses œuvres, on peut les trouver. À tout de suite après cette première pause. Retour dans l'émission Portrait d'artiste avec Greg, Monsieur Grégory Dupont, artiste sculpteur. Donc on a vu récemment, et c'est toujours en cours, hein, la sculpture rue de la République à Jarville. C'est jusqu'à quand cette exposition de l'œuvre, Greg ? J'espère ad vita aeternam. A priori, elle est installée pour plusieurs siècles, si elle tient le coup. D'accord. Enfin, j'ai tout fait pour qu'elle tienne longtemps, quoi, et comme le socle... et dimensionné pour la supporter longtemps. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas la voir quand vous le souhaitez. D'accord, donc vraiment pendant très longtemps pour la trouver. Et tu parlais là, il y a quelques instants, de la façon dont tu crées. Alors justement, cette œuvre-là, cette sculpture, que tu l'as créée avec quel matériau d'abord ? Alors celle-là, on a fait le choix avec le maire. Hein. C'était aussi une des problématiques qui avait été imposée à ce projet, d'utiliser de l'acier Corten. Donc c'est un acier particulier dans le sens où il se rouille, mais la rouille ne va pas le ronger. Ça va faire comme pour des bronzes, la patine qui va se mettre dessus va le protéger de l'avancement de la rouille. Donc plus il rouille, moins il rouille. Il est patiné d'une rouille qui va faire qu'elle ne se ronge pas. D'accord, c'est un matériau particulier. Et puis, toutes les petites inscriptions là, qui sont dans les cercles, qui viennent orner la sculpture, c'est aussi le même matériau? Alors non, justement, c'était tout l'intérêt de jouer sur des contrastes aussi. C'est important en sculpture de jouer sur les contrastes. Et comme il y avait des parties qui étaient rouillées, qui resteront rouillées donc à vie, c'était d'avoir des parties qui, à l'inverse, restent brillantes et ne rouilleront pas. Donc, ils sont en inox, en acier inoxydable. En acier inox. Et il y a des inscriptions, donc des petits mots très gentils. Voilà. Très doux pour la plupart, très positifs, qui ont été choisis par le public. Alors, je ne sais plus exactement, il y a peut-être 200-300 mots qui ont été choisis par le public pour, en fonction de ce que leur évoquait, le vivre ensemble. C'est le titre de l'œuvre d'ailleurs, Vivre ensemble. Et puis, il y en a eu 18 qui ont été choisis pour être inscrits dedans. Donc, c'était très intelligent de la part du maire de faire participer le public et puis de que chacun puisse se retrouver un petit peu dans l'œuvre. Ça faisait une œuvre en quelque sorte collaborative. Collaborative, participative. Donc, participative, d'accord. Donc, il y a une dimension un peu intemporelle en même temps par les matériaux qui sont utilisés, ce côté... inox qui reste très brillant, qui ne bouge pas, hein, ça bouge pas l'inox. Et puis ce carden, là, ce matériau carden qui lui a un aspect corten. Merci de préciser, hein, qui a tendance à donner un effet rouille qui peut paraître comme si ça avait déjà, si c'était très âgé. Donc, c'est ça. C'était l'idée en même temps des supports choisis. Oui, d'avoir de l'ancien qui côtoie du nouveau, ça participe à la dynamique de l'œuvre aussi. De raconter une histoire, de raconter le présent. Après, le choix des mots, il a été fait de manière conjointe avec le maire et quelques-uns de ses délégués. Pour aussi, pour moi, j'y vois plus des objectifs à atteindre, je dirais que des prérequis pour le vivre ensemble. Des prérequis pour le vivre ensemble. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ta dimension créative, parce qu'en fait, tu réalises des œuvres où tu m'expliquais tout à l'heure qu'en fait, ce que tu cherches à mettre en place dans la création de tes œuvres, c'est qu'on puisse se projeter à travers elles. Oui, alors, se projeter, c'est-à-dire que ça se fait de manière inconsciente. Hein. Certaines personnes vont avoir presque du dégoût, ou au moins de l'indifférence. Mais en tout cas, pour les personnes qui apprécient ce genre de travail, on va dire, parce que pour moi, je considère ça comme un travail, il y a un attrait qui passe par les proportions, la dynamique et l'histoire que ça raconte aussi. Chacun a son propre ressenti en les voyant. Et ça, c'est moi, une fois que l'œuvre est faite, elle est faite, quoi. C'est à chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. Mais de toutes les matières que je travaille, il y en a une qui est particulière, c'est la matière grise. Autant la mienne que celle des spectateurs. Et là-dessus, j'aime jouer en m'imaginant ce qu'on pourrait ressentir ou voir les personnes quand je fais les œuvres, quoi. Donc c'est quoi dans la création de ton œuvre? Tu essaies d'imaginer qu'il y ait comme une compréhension, un échange, un partage de cette matière, de la matière grise, est-ce que tu évoques là? La matière grise, on va pas se l'échanger, mais c'est difficile de décrire des émotions avec des mots. On pourrait écrire des bouquins complets qu'on n'y arriverait pas. Hein. Je pense qu'il y a quelques peut-être rares phrases, on arrive à sentir éventuellement ce qu'a voulu décrire un écrivain. Par exemple, au niveau de la sculpture, c'est pareil. Je pense que c'est ces rares petits moments, ces petites émotions. Quand ça touche, pensez qu'il y a une forme d'union entre l'artiste et le spectateur, fugace, quoi. Comme une vibration. Une vibration, je pourrais pas vraiment la décrire. Difficile à décrire, ouais. D'accord. Et d'accord, très bien. Et ben, donc en dehors de l'œuvre qu'on peut voir donc à Jarville, à l'arrêt de bus de l'atelier, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres plus précisément? De manière générale, pour voir mes œuvres, le plus simple, c'est d'être qu'on soit amis sur Facebook, je dirais, parce que c'est là où je mets mon actualité des différentes expositions que je fais. Donc là, on aurait pu voir que ce week-end dernier, pour les Journées du patrimoine, j'étais à Metz, au milieu de, bah, d'artisans d'art. Voilà, donc il y a des fois, je... Donc tu fais aussi des... Donc là, il y a des œuvres que tu exposes comme ça au niveau des municipalités, mais toi-même, en tant qu'artiste, on peut te trouver sur des marchés d'art, si je comprends bien. Bien sûr, marché d'art, c'est ma principale manière, je vais dire, de travailler aujourd'hui. Enfin, une des principales, parce que l'année dernière, j'ai dû faire une quarantaine d'expositions. Donc, tous les week-ends, j'étais en expo. Ah oui, d'accord. Donc, c'est en... Cette année, j'ai essayé d'en faire un peu moins parce que j'étais beaucoup pris sur le projet de cette sculpture monumentale, des marchés artistiques. La semaine prochaine, par exemple, je serai sur un salon artistique. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est une autre ambiance. C'est pas le même public. C'est pas la même durée, la même intensité. Alors, la semaine prochaine, tu es où exactement? Ce sera au salon Art3F à Luxembourg. D'accord, le salon Art3F, on retrouve des sculptures, mais pas uniquement. Il y a de la peinture, de la photographie, de la gravure, je dirais tout ce qui est reconnu comme étant des travaux artistiques. Des travaux artistiques, et il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines de... Il y a beaucoup d'exposants. Centaines d'exposants. Centaines d'exposants, d'accord, donc ouais. Un grand site, d'accord. Et je crois d'ailleurs que sur ta page Facebook, justement, tu as un petit cadeau pour les personnes qui voudraient aller voir, te voir à Luxembourg. Tout à fait. Si on devient amis sur Facebook, ils pourront télécharger une invitation gratuite à cet événement. Voilà, donc c'est sympa, puisque en plus tu offres la visite, donc c'est important de le dire. Voilà, c'est comme un musée en temps moderne, mais en tout cas où il n'y a pas que des vieilleries ou des choses qui ont été faites il y a plusieurs siècles, c'est vraiment de l'art contemporain. De l'art contemporain, de l'art d'aujourd'hui, d'aujourd'hui avec les gens qui font de l'art aujourd'hui. Quoi, c'est ça. D'accord. Très bien. Ben, on arrive un petit peu au terme de cet échange, Greg. Je te propose de te laisser le mot de la fin, la phrase de la fin. Donc, je vais conclure en disant quelque chose, je t'en prie. Merci de m'avoir accueilli. Je suis très honoré d'avoir eu cette visibilité aussi. C'est important dans ce dur travail qui est d'être artiste. Hein. Il y a des côtés très précaires parfois, des hauts et des bas. Pour garder cette persévérance, en tout cas, on a toujours besoin de coups de pouce. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Merci à toi de ta venue, Grégory Dupont. Merci. On te souhaite une longue continuation et beaucoup de succès. Merci. Merci encore de ta venue, Greg. À très bientôt. À bientôt, avec plaisir.